la lisière, le seuil semble. Évidemment, cet espace qui n'existe pas entre deux choses, une sorte de, comme un trait de crayon, un dessin d'un objet. Le trait de dessin n'existe pas sur l'objet. C'est une projection, une sorte de séparation de deux espaces. Le lisière est une promesse, une sorte d'horizon, mais qu'on peut atteindre et dépasser. Une dynamique, une promesse de dynamique, de lien entre différentes choses. C'est une sorte de déambulation. C'est déjà un dialogue en fait. C'est déjà. C'est du et. La lisière, c'est un et entre plusieurs choses, entre ce qu'on veut y mettre, ce qu'on peut en penser, ce qu'on aimerait imaginer, ce qu'on souhaite rêver. C'est quelque chose comme une pensée qui devient mot, comme une sensation qui devient plaisir ou douleur. Comme c'est une histoire de passage, de pas après l'autre. Bonsoir. C'est un dialogue, une promesse d'espace, une promesse de temps. C'est l'affranchissement de la dualité, la binarité. C'est ça. Expirer tout en inspirant. C'est une transpiration, sublimation. C'est une. Un clignement d'œil. C'est une bouche qui s'ouvre. C'est une oreille qui s'étourdit. C'est un pied droit et un pied gauche. Et un pied droit et un gauche. Et un. Puis c'est du son qui tourne. C'est de l'espace qui virevolte. C'est de la lumière qui danse. C'est mettre un pas à côté de l'autre plutôt que devant l'autre. C'est peut-être marcher au bord d'un précipice, choisir de tomber ou de ne pas tomber. C'est pouvoir être le chat de Schrödinger à la fois vivant et mort. C'est abolir une sorte de lisière binaire. Binoculaire, binaural, bipensée, bicéphale. C'est une intersection. C'est une complémentarité. C'est une opposition. C'est pouvoir rêver, c'est pouvoir penser, c'est pouvoir imaginer. C'est pouvoir se projeter, c'est rencontrer. C'est parler, c'est s'écouter. Donc, lisière. Bonsoir. Petite promenade. Bien raison. Vous faites combien de. Oh, pas très long, hein. C'est juste un petit tour de pâté de maison. Ouais. Je ne peux pas marcher. Non. Je ne peux pas marcher. Donc, très longtemps. Des kilomètres, quoi. Non, c'est sûr. Je ne peux pas marcher beaucoup, mais il faut quand même que je bouge. C'est clair. Et puis surtout entretenir la forme. Oui, c'est ça. La musculature et tout, parce qu'autrement, après. Il faut que je reste en mouvement. Donc, lisière. Exactement. Ouais. C'est ça. Ouais. Même une personne qui. Qui a l'articulation qui fonctionne normalement, s'il couche pendant des semaines parce qu'il est malade. C'est ça. Je me rappelle quand j'étais gamin. Quand il se lève, Et puis bon, en plus de ça, c'est affaibli. Les muscles, ça s'affaiblit très vite. Absolument. J'étais étonné quand ils ont dit que les astronautes qui sont envoyés dans l'espace, en quelques jours déjà, ils perdent, je ne sais plus combien, mais c'est pas possible, de musculature. De musculature. Après, ça se stabilise, mais il y a une perte constante. Ok. Alors, c'est pour ça qu'une des raisons pour laquelle ils sont emmerdés, pour aller sur la Lune, ça va. Trois jours et demi pour y aller. Un peu moins 3 jours pour revenir. Parce qu'il y a l'effet de masse qui. L'attraction. Ah oui, hein? Oui, du coup, ouais. Et puis, donc, il raccourcit. Alors ils ont dit, bon, c'est pour aller sur Mars. Bon, déjà, premièrement, c'est pas 3 jours ou 3 jours et demi, ça c'est clair. C'est ça, c'est un peu plus long. C'est 5-6 mois. On peut peut-être augmenter avec certaines nouvelles formes de propulsion, telles que les moteurs non pas à fusée, donc à chimique ou cryonique, mais par exemple des moteurs plasma. Donc lisière. Oui, mais bon, d'une part, ça demande une énergie électrique qui est énorme. J'imagine, ouais. Deuxième chose, c'est que ils se disent, les gars, bon, on réduit ça peut-être à 2-3 mois. Ça va ? 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Bon, parce que quand Mars est le plus près, il y a quand même une variation. Hein. Des fois, il est très près, puis des fois, il est un peu plus loin quand il est... Selon où on le rencontre, c'est tous les 22 mois. Okay. Puis, ils disent, oui, mais quand même, les gars, pendant 2 mois, 3 mois... On parle même pas de 5 ou 6 mois, avec une propulsion classique, et il reste à l'intérieur d'un machin. Bon, c'est, de toute façon, c'est pas une cabine comme Apollo, où ils sont assis tout le temps. Non, quelque chose d'un peu plus sérieux, il faut... Hein? Mais ils vont être affaiblis. Bon, pour y aller, sur Mars, l'attraction, il est grosso modo la moitié de ce qu'il y a sur Terre. Ouais. Donc là, ils vont se remettre un peu quand même. C'est une petite danse, comme ça, dire. Oui, parce qu'il est à peu près cinquième de du volume de la Terre. Ok. Un cinquième. Environ, ouais. Un cinquième. Et puis, disons qu'on ne fera pas des petits sauts comme sur la Lune, là, les gars qui ce qu'ils ont appris à se déplacer avec des sauts. Ok. Mais c'est clair qu'on aura plus de facilité. Puis, ils ont dit, oui, bon, on n'a pas peut-être en physique, etc. Mais le chemin du retour... Ça sera à Paris. Hors de grandeur, 5 d'aller, 5-6 mois de retour. Bon, admettons, 6 mois aller, 5 mois de retour. Bah, ça fait 8-11 mois. Là-bas, séjour, il y a deux possibilités. Après, ils sont obligés de 2 mois séjourner, de revenir, parce que... Mais ça rallonge quand même le chemin. Long voyage pour un petit séjour, voilà. En même temps... Ou alors, c'est que ils ont tout l'équipement et tout ce qu'il faut pour rester pendant 20 ans. C'est pas le moment d'essayer de revenir quand Mars est là, puis la Terre est là, et entre les deux, il y a le Soleil. C'est pas une bonne idée. Ouais. Mais ils ont dit, mais il y a un problème. Comment muscler les types? Parce qu'à la vitesse où ils perdent les muscles, ouais. Dans la station spatiale, ah oui. Là, le fameux russe qui est resté coincé en haut parce qu'il est monté comme soviétique et puis il est redescendu comme russe, plus d'une année plus tard, ouais. Ben, quand ils l'ont sorti, il n'y a plus de jambes. Il ne pouvait pas tenir. Sur ses guibolles, hein, ça c'est clair. C'est fou. Ouais. Et il a mis je ne sais pas combien de mois pour se remettre. Il a toujours plus d'une année. Ouais. Et ça prolonge le voyage. Intensif. Hein. Ah oui, j'imagine. L'homme n'est pas fait pour aller faire le zoual à la roue. Hein. A priori, non. Ça, Alors, l'hier. Exactement. Donc, un sphère, ah oui. Ou éventuellement un cerceau, ou alors un cylindre, qui a une certaine vitesse de rotation. Constante. Et du fait de la rotation, les gens sont collés sur le parois extérieur. Le problème, c'est qu'il ne faut quand même pas que ça tourne trop vite non plus. Parce que là, par contre, il y a un problème d'équilibre. Le psychisme risque de prendre un coup. Ouais. Bah, à cause des oreilles, des... la même chose que quand on a une on regarde une précipice, le vertige, vertige, c'est une forme de vertige, oui. Intergalactique, lisière. Ah voilà. Okay. Alors on perd très très vite. Ouais. Donc il faut se promener. Exactement, il faut faire des efforts. Et on dit toujours aux gens, à la retraite ou n'importe quoi, marchez. Ah oui, il faut leur donner l'exemple de la Lune et de Mars. Peut-être que ça les motivait un peu à... Je ne sais pas si ils le savaient parce que les... Singes. Non, mais dès les opérations Apollo... Ah oui. Oui. Très vite. Ça se fait très vite. L'espace n'est vraiment pas fait pour ça. Mais les toilettes. Pendant de nombreuses années, chez les Américains, il n'y a pas un seul astronaute qui voulait répondre sur le comment on fait. Ah oui. Bon, pour les hommes, ça avait pu être... à peu près résolu. Bon. C'est pour ça que chez les Américains, très très longtemps, il n'y avait pas de femmes qui montaient. Ah oui. Et une des sujets d'espionnage des Américains chez les Russes, mais comment ils font avec les femmes? C'est à ça que ça sert l'espionnage. Alors. Ça a l'air d'idiot. Je comprends. Eh ben, les Russes, ils n'ont pas retrouvé d'autres méthodes, les Américains se sont achetés aussi que les couches. Ah, bah oui, c'est très pratique. Ouais. Mais on ne peut pas sortir pour pisser dans l'espace. Donc, non, de toute façon. Par contre, alors, dans le système Apollo, il y avait le vidange. Ah oui? Oui, ils vont vidanger les liquides dans l'espace. Alors, ce qui fait que c'est... Oui. Et ça se transforme immédiatement en cristaux. Ah ouais, ça doit être assez beau. Mm-hmm. Sur des cristaux dorés comme ça. Ouais. Aller dans l'espace, tout ça, pour pisser des cristaux. Bah, Faut pas pisser à contre-vent, quoi. Ça peut faire des dégâts. Justement. Ils ont envoyé un satellite qui a tourné pendant quoi, une année ou plus. Et puis, une partie du satellite devait revenir. Et sur cette partie, il y avait un panneau. Voir combien il y aura d'impact. Ah oui. Énormément. J'imagine. Mais du coup, les astronautes, quand ils éternuaient, c'est tout. Non, mon voisin, je vous dis. Ah, le voisin. Pardon. Non, mais par contre, ils étaient étonnés. Hein. Le voisin? Non, les astronautes de ce qui... La surface dans l'espace. Ouais, ah, oui. Ah oui. On considère l'espace à partir de 100 km. De la Terre. Mais en fait, on peut trouver des traces de l'atmosphère jusqu'à 500 km. Ah oui, c'est une sorte de lisière, comme ça, un seuil, comme ça, un peu de sur les... l'espace. Sur les dedans, le 20 premiers kilomètres, on peut dire que l'atmosphère est plus dense. Lisière. D'ailleurs, c'est à ce niveau-là que les problèmes ont commencé pour la... c'était Columbia, je crois, qui s'est désintégré en rentrant. Ok. Parce qu'il y avait eu des fonds dans la couche thermique. Ah oui, protégée, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est à 60 km. Oui, à 60 km qu'il a commencé à avoir des problèmes. Il a brûlé, à chauffer un peu. Oui, et 50 km, c'était fini. Il a brûlé. Une sorte d'étoile filante. Bah oui, c'était une étoile filante, exactement. Multiple. C'était comme un météore. Un feu d'artifice filante, ouais. Étoile, visière. Le liaison radio et vidéo s'est rompu. Ouais. Et puis après, plus rien. Ouais. Okay, ouais. Et il voyait à travers les États-Unis. Surtout à partir de Nevada, Texas. Etc. Et ça s'est réparti un peu au long de. Ok. On a trouvé des grosses pièces. Ouais, j'allais dire, on a trouvé des débris un peu. Paf. Lisière. Mmh. Mmh. Le. Bon. Ouais. Pas fondu. On serait étonné qu'il y a beaucoup de choses qui. Par exemple, des satellites autres qui tombent, qui ne fondent pas. Ouais. Qui se désagrègent en morceaux. Sur des lisières. La paroi du comité de pilotage, ouais, ouais. Il y avait, pendant le vol, un espace qui se créait. Ouais. Et quand ils atterrissent, ça se refermait. Ah ouais. Alors, dernier vol du Concorde. C'est une sorte de sas, en fait. Non, ce n'est pas une sas, c'est la matière qui se dilate. Tout le corps de l'avion. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au dernier vol, je ne sais pas si c'était le commandant ou le copilote, il avait mis sa casquette là. Ouais. Et ça s'est refermé. Et on ne arriverait jamais à le Lexter. Alors, ça, ouais. Mais la fois où elle avait gardé. Elle a même fabriqué des. Une heure. Mais, eh bien, il ne recule pas autant. Il ne recule pas. Parce que le poids de l'objet. Paf. Lisière. Mmh. Mmh. Mmh. Bon. Un exemple. Quand on accélère. Salut. Ça va? Ça. Quand on accélère, par exemple. Ça amortit, exactement. D'abord, accélère. Donc en fait, on apprend aux singes à faire de la plongée sous-marine pour les envoyer dans l'espace. Non, on les habille tout simplement, on les habitue à avoir ce tenue. un coup de banane et de cacahuète. Puis après, on le met dans un contexte, dans une cabine remplie d'eau. Bon, il respire, etc. Le singe y est habitué. Mm-hmm. Puis alors, on... On les fait tourner. Là, ça... Alors, actuellement, avec un équipement spécial anti-G, c'est-à-dire les fameuses trucs de pression, on met tout marche dedans. Paf. Voilà. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est un liquide. Le liquide, il est solide. Il est solide. Donc à ce moment-là, on peut accélérer quelqu'un. C'est qu'à fort liquide. En fait. Mais ça lui fait mal. Il hurle. Et s'il hurle, c'est qu'il respire. Ça. Il est bien obligé pour pouvoir hurler. Et c'est parti. Il faut de l'air pour hurler, c'est sûr. Mmh. Et alors, c'est dans quelle direction maintenant ? Un petit peu par là. Bon, allons-y. Moi, je refuse aussi le système des sacs. Taxé Parce que j'estime que là, il y a l'exagération. Ouais. À Londres, ils payent 74 centimes pour le même sac. Ok. Ouais, et les Londoniens, ils trouvent que c'est cher. Ouais. Ouais. Nous, question de dire, bon, avec quand même 1 franc 52 francs pour le même sac. Ouais, effectivement. Moi, je refuse parce que je trouve que c'est du vol organisé par l'État. Et puis, la question, c'est où passe tout cet argent. Mm-hmm. On ne voit pas le résultat. Alors que les Anglais font des monts et merveilles avec 74 centimes. Deuxième chose, c'est que moi, ce que je fais, c'est que je continue à le mettre dans des sacs en plastique dans des commerces, un sac en papier, et puis je l'amène au la gare. Une sorte de lisière, une poubelle. Beaucoup de ça, moi. C'est que la loi sur les mises en sac valorisées... Ouais, officielle, machin... C'est cantonal. Donc, État. Cantonal quoi ? Cantonal. Cantonal, ouais. Par exemple, à Genève, il existe toujours pas cette loi. Ah, c'est vrai ? Mmh. Okay. Il existe toujours le sac en plastique, et il y a pas tellement longtemps, dans les années... fin 90 du 2000, il y en a beaucoup qui utilisaient encore les sacs à commission blanc, donc les sacs à commission papier. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Et alors, à Lausanne, c'était inimaginable. Ah ouais. Et puis, la gare n'est pas un territoire cantonal. Ah bon ? Ah. Ah ouais, donc c'est hors... C'est un territoire fédéral. Ah oui. Or, au niveau de la Confédération, il n'y a aucune loi sur ce sujet. Ouais. Là, donc, c'est un peu le Far West, la gare. C'est comme aux États-Unis. Ouais, le Far West. Ouais. Pâté de maison, pâté de quartier. Pâté de quartier, bien sûr. Un petit pâté de quartier. J'adore. Hein quelque chose comme. Je ne vais pas dire bêtises, mais je crois que. Ça, c'est encore rien. Moi, J'ai beaucoup cette atmosphère comme ça. Puis c'est là qu'on a. Ville de nuit, lisière un peu. Il y a pas. Ah ouais. Et là, on est pourtant. Bon, on est en périphérie de ville, mais quand même. Ouais, et là, comme lisière un peu comme ça. Il y a des vitrées comme ça un peu. Dans. C'est de lisière. Puis bon. Le gars est bien obligé de le faire parce que autrement on voit tout dedans. Ouais, donc, ouais, c'est vraiment une vitrine. Quoi. Ouais. De lisière, un peu dedans, dedans. Donc vous pouvez vous faire une sorte de lisière, c'est ça. Une sorte ouais, de lisière. Et du coup, j'ai la vue sur la jambe. Ouais. Et puis. J'imagine. Ouais. Ah, maintenant, cette maison, elle est superbe. Et puis, du coup, moi, vrai, on profite justement de la jungle. Magnifique, luxuriante. Ouais. J'ai un copain qui vivait à. Avec crâne verdure. D'un, tout vendu. Il faut abolir les visières en fait. Ouais. Donc il n'y a plus de jardin, il n'y a plus que l'immeuble là-bas. Puis là, pouf. Vendu. Il y a. Je ne dis pas que. Il y a une. Bien sûr, le lac. C'est bon. C'est pas mal quoi. Baie vitrée. Ah oui, encore. Tout long. Visière comme ça, vitrée. Ouais. Donc baie vitrée partout. Dure dedans, ok. Vous allez mettre sur l'intérieur lisière. Oh, je suis bon, Bon. Hop, les yeux comme ça, discuter avec vous. Oui, c'est très sympa. En correspondant. Absolument. Petit tour de pâté de quartier, de maison. Ça me change un peu aussi. Et par hasard. Mmh. Ouais. Dans l'appartement, quand on circulait, il y a des seuils. Même pas des seuils. C'était incroyable. Ah, il y avait le en deux immeubles qui descendaient. Juste un petit passage là comme ça, on pouvait à la rigueur passer à l'entrée. Oui. Mais tout ce qui est plus ancien. Présente des lisières qui tombent comme ça. Ouais. Les Romains, etc., ça ne les intéressait pas trop. Non. Ouais. La maison. Bon. Ouais, je vais gentiment. Je vais gentiment vous laisser. Ça marche. Bien. Petite promenade. Alors, bonne soirée. À vous aussi. Plutôt bonne nuit. Oui, c'est ça. Et puis à la prochaine. Oui, vous aussi. Faites gaffe à vous. Pareillement. Paf. Lisière. Non. Le. Bon. Allez. Rencontre par hasard comme ça, c'est ça, qui fait rêver. J'étais parti pour faire une improvisation. Je sais pas trop comment dire. Et puis du coup, un voisin. C'est improvisé, improvisateur. Sans le savoir. Je rentre chez moi. Je n'ai rien à ajouter à ça. C'est ma vie. J'arrive à m'en prendre. C'est le seul. C'est le visir d'Ibane. Donc lisière.